Notre bon Père du ciel, qu'il est bon de s'arrêter et se tourner vers toi. Qu'il est bon de penser que tu, comme on a lu tout à l'heure, avant que nous parlions, tu connais, tu sais ce qu'on va dire. Hein? Nous sommes heureux que, à cause de Jésus-Christ, tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, tout ce que nous proclamons, tu vas l'utiliser pour glorifier ton nom, pour glorifier le nom de ton Fils Jésus. Depuis des millénaires, tu utilises l'Église pour te glorifier, malgré toute l'imperfection de l'Église. Tu t'es glorifié. Dans tous les peuples, dans toutes les générations, dans toutes les cultures, quand on s'arrête et qu'on regarde, nous voyons ton nom apparaître, nous voyons le nom de ton Fils apparaître, nous voyons des gens se lever et glorifier le nom de Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ. Et ce matin, nous voulons encore une fois s'arrêter, regarder à ce que tu nous as laissé dans les Écritures, afin que notre vie de tous les jours soit le reflet de celui qui habite en chacun de nous. Nous te demandons que ton Esprit Saint puisse œuvrer dans le cœur de chacun de tes enfants ce matin et qu'on puisse partir d'ici encore plus émerveillé de notre Dieu. Et c'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Comme on se l'est dit à plusieurs reprises à travers les mois que j'étais avec vous autres, avant de lire les chapitres 4, 5 et 6 d'Éphésiens, il faut toujours s'arrêter et se rappeler les trois premiers chapitres. Quand l'Église d'Éphèse a reçu la lettre de Paul, ils n'ont pas pris un an pour la lire. Ils l'ont lu un matin, un dimanche matin, ils l'ont lu tout d'un coup. Nous, des fois, vu qu'on est sur de longues périodes de temps, on lit chapitre 5 ou on lit une partie de chapitre 5 dans notre culte personnel ou en Église, on va étudier un texte. Mais des fois, on oublie les premiers chapitres qui ont été dits parce que ça fait trop longtemps qu'on les a lus. Et des fois, on a de la difficulté à s'ajuster à ce que l'auteur est en train de dire. Mais si on est en train de le lire tout dans une frippe, comme on dit des fois en québécois, c'est moins dur de comprendre les exhortations ou les encouragements ou les directions que l'apôtre Paul nous dit de la part de Dieu. Donc ce matin, quand on va lire le texte qu'on va regarder pour méditer sur la pensée de Dieu, il ne faut pas oublier ce que Dieu nous a dit dans les trois premiers chapitres. Je t'ai choisi, je t'ai élu, je t'ai scellé du Saint-Esprit, je t'ai établi comme héritier. Tu es assis à la droite de Dieu. J'ai fait de toi un seul homme avec les Juifs et les païens. Vous êtes maintenant le temple de Dieu, vous êtes la maison de Dieu, vous êtes le peuple de Dieu. Et on a fini le chapitre 3 en disant je vous aime dans un amour qui n'a aucun exemple humain pour décrire la grandeur, la hauteur, la profondeur, la largeur de l'amour avec lequel je vous aime. Et n'oubliez pas ça. Avant de lire le chapitre 4, 5. Parce que si on oublie ça, chapitre 4, 5, 6, ça va vous écraser. Ça va vous écraser. Ça ne vous aidera pas. Ça va vous mettre un fardeau sous votre dos. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça avec une épouse ou un enfant ou quelqu'un que vous connaissez et vous voulez lui dire quelque chose et vous allez mettre devant, je ne me souviens pas qui avait dit ça, faites toujours le sandwich. Vous disiez quelque chose de positif, puis ce que vous voulez dire de négatif, puis vous finissez avec du positif. Faites le sandwich. Parce que des fois, on lit, puis on dit, mais on a l'impression que Dieu nous en demande, et qui nous demande qu'on n'est pas capable d'aller à la mesure de la perfection qui nous demande. Mais Dieu n'oublie pas. Je t'aime avant puis je t'aime après. Ça ne va pas changer mon amour pour toi. Ça ne va pas changer ce que j'ai fait pour toi. Donc, rappelons-nous cela. Hier, en montant dans l'autobus, j'ai réécouté l'Épître aux Éphésiens 2 ou 3 fois avec nos moyens technologiques qu'on peut faire. J'ai réécouté pour me remettre dans... François, avant de parler dans le chapitre 5, il faut que tu te souviennes qu'est-ce que Dieu a dit dans les 3 premiers chapitres. Donc, si vous voulez tourner avec moi, on est rendu au chapitre 4, verset 30. On avait regardé un petit peu la dernière fois, mais on va le relire, puis on va continuer les versets qui suivent après ça. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaisse du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Cette nouvelle vie que Dieu nous a donnée, elle est différente de celle qu'on avait avant. Et la Bible emploie des termes très extrêmes. Elle parle de mort, elle parle de vie, elle parle de ténèbres, elle parle de lumière. Donc c'est très différent, la vie que nous faisons aujourd'hui. Et Dieu encourage ici par l'apôtre Paul, puis il dit, la nouvelle vie que vous allez vivre, vous allez devenir des imitateurs. Des imitateurs. Notre vie, c'est une vie d'imitateur. On imite. Vous connaissez probablement des gens qui imitent d'autres personnes. Et vous allez voir que des fois, ils imitent tellement bien qu'on pense que c'est l'autre personne qui est là devant nous. Mais pour être un bon imitateur, ça prend quoi? Si je veux imiter quelqu'un, qu'est-ce qu'il faut qu'il se produise? Faut que tu le connaisses. Faut que je connaisse au moins la personne que je veux imiter. Si tu l'as vu juste une fois, faut que tu sois un super de bon imitateur pour pouvoir l'imiter. Mais quelqu'un, des fois, si tu le connais depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ah! Et là, tu vas pouvoir faire des gestes, des mimiques, tu vas dire des paroles, le ton de la voix que tu vas employer, les gens vont dire, ah, qu'il ressemble à son père. Ah, qu'il ressemble à sa mère quand il dit ça. Ah, il parle pareil comme on imite. Puis ici, l'auteur dit, soyez les imitateurs de Dieu et de Jésus. Il faut imiter. Et donc, pour pouvoir imiter, il faut connaître. Il faut être capable de voir la personne que nous voulons imiter, puis dire, lui, il fait ça comme ça, lui, il fait ça comme ça, lui, il pense de même, donc c'est de cette façon-là que je devrais faire les choses, pour pouvoir l'imiter. Mais nous autres, on a un avantage. On a un avantage sur d'autres imitateurs, ce que je peux dire comme ça. Parce que dans les 3 premiers chapitres, il dit... Je vous demande d'être mes imitateurs, mais ce que je vous demande d'imiter, je vous l'ai fait. Faites aux autres, dans votre relation d'Église, faites aux autres ce que moi je vous ai fait. Donc on a un avantage. On doit imiter, mais on n'a pas juste vu, on n'a pas juste regardé. On a vécu quelque chose avec Dieu, et c'est cette expérience-là, ce qu'on a vécu avec Dieu, qu'on doit maintenant étendre aux autres qui sont autour de nous. Fait qu'on a un avantage de pouvoir l'imiter. On n'a pas juste à dire, ben, je l'ai vu, je l'ai regardé, j'ai entendu parler d'eux, je l'ai vu sur un film. Non, je l'ai expérimenté. c'est pas mal plus fort. C'est pas mal plus fort. Quand j'ai expérimenté, je me dis, quand tu veux faire de quoi avec quelqu'un, il faut que tu te rappelles comment Dieu l'a fait avec toi. Comment Dieu l'a fait avec toi? Maintenant, tu devrais le faire avec ceux qui t'entourent. Et savez-vous que c'est, on va voir ensemble que c'est ça qui va nous donner la capacité de le faire. C'est pas la volonté. La volonté va venir après. Quand on a de la misère à faire quelque chose que la vie chrétienne ou que Dieu nous demande, la plupart du temps, c'est parce qu'on ne se rappelle pas, on ne s'arrête pas pour se rappeler que Dieu nous l'a fait à nous. Et ça va nous donner la force ou la capacité de le faire avec les autres. Vous avez probablement tous eu des enfants, la majorité d'entre vous avez eu des enfants. Pendant 18 ans ou 20 ans, j'ai répété certaines choses à mes enfants. Et quand ils ont fermé la porte, qu'ils sont partis de chez nous pour aller vivre dans leur propre appartement, leur propre vie, je me suis aperçu qu'ils ne faisaient pas. Mais pourtant, j'avais dit pendant 18 ans ou 20 ans. Des fois, ça peut décourager. Je dis ça pourquoi? Pourquoi j'ai répété ça toutes ces années-là? Des fois, vous avez entendu en tant que chrétien, vous allez entendre « Fais pas ça, fais ça, fais pas ça, fais ça, fais pas ça. Un chrétien, ça fait pas ça. Tu devrais obéir, tu devrais pas... » Pourtant, tu peux dire ça dans une église à des chrétiens pendant 10 ans, pendant 15 ans, pendant 20 ans, et tu vas regarder les chrétiens, puis ils le font encore. Il y a autre chose en arrière qu'il faut se rappeler, je pense, qui va nous donner la capacité d'aller dans la direction que Dieu veut. Quand l'apôtre Paul dit ici, « N'attristerez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. » Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'attrister le Saint-Esprit? Mais je crois que le texte nous le dit un petit peu, parce que l'autre verset après dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Donc, vous avez une relation. Vous êtes en gang, vous êtes dans un peuple, vous êtes dans un groupe, vous faites partie du corps de Christ, vous êtes ensemble. Il dit, je voudrais que toutes ces choses-là disparaissent d'au milieu de vous. Quand ces choses-là sont là, ça l'attriste au Saint-Esprit. Pourquoi que ça l'attriste? Parce que lui, son œuvre, c'était de nous unir. L'œuvre du Saint-Esprit, c'est d'avoir fait de nous un corps, un peuple, une entité. Des fois, on a misère à saisir ça, que chacun de nous, on forme une entité qu'on appelle le corps de Christ. Dit, le Saint-Esprit a fait un but, c'est de vous unir, de faire de vous un peuple. Il vous a tous sauvés, il vous a tous bénis, il vous a tous fait héritiers, vous avez tous été pardonnés. Il a fait un, hein, on a vu ça dans les autres chapitres. Si on veut marcher, chapitre 4, c'était, vous avez un même Dieu, un même Seigneur, un seul baptême, un seul esprit, un. Il dit, il vous a donné des pasteurs, des apôtres, des enseignants, afin que vous veniez à l'unité de la foi. Le but de l'Esprit, c'est de vous emmener ensemble et de former un corps, d'être une entité. Mais il dit, quand vous vivez le verset 31, ça ne reflète pas ça. Et ça l'attriste, l'Esprit. Ça l'attriste, l'Esprit. Donc, il dit, notre vie de tous les jours devrait refléter l'unité que lui a créée en nous unissant les uns aux autres à Christ. Hein, on sait si on est tous unis les uns aux autres, mais tous ensemble, on est unis à la tête. Donc, dans nos comportements, dans nos paroles, dans nos gestes, ça devrait refléter ça. Ça devrait refléter ça. Comme ça, cette unité-là va refléter aussi l'unité qui est dans la personne de Dieu, qui est un Dieu trinitaire. Donc, le but de vivre en harmonie, si je peux enlever l'amertume, l'animosité, la colère, la clameur, la calomnie, la marchandité, si on enlève ça, on va avoir l'harmonie. On ne fait pas ça pour obtenir quelque chose. On fait ça pour refléter quelque chose. C'est bien différent, frère et soeur. C'est bien différent. ça nous donne rien de faire ça. Mais c'est quand on le fait, ça reflète Dieu, la personne de Dieu, ou le plan de Dieu, et ça donne gloire à Dieu. Dieu m'a uni à vous. Dieu vous a uni à moi. Il veut qu'on soit un ensemble. Et avec la tête et avec Dieu. C'est la prière de Jésus-Christ dans Jean 17. Je te prie afin qu'il soit un, comme nous sommes un. Et quand Jésus a prié ça, le Père l'a fait. Dieu a répondu à cette prière-là. Dieu n'est pas en train de répondre. Dieu a répondu à la prière et il a envoyé cet esprit. Et cet esprit nous a unis. C'est pour ça que Paul dit, vous formez un seul corps. Dieu a répondu à la prière de Christ. Et maintenant, nous sommes un avec Dieu. Nous sommes un avec Jésus-Christ. Nous sommes un avec les autres. Il dit, maintenant, reflétez ça dans votre vie. Reflétez ça dans votre vie de tous les jours, en tant que peuple de Dieu. Et je crois que pour moi, ça me donne la raison fondamentale pour pouvoir désirer faire cela. Dieu, en me rappelant que Dieu m'a uni aux autres et que en aimant ou en faisant le bien ou en faisant le contraire du verset 31, je glorifie mon Dieu. Je glorifie mon Dieu. Et je crois que c'est, il faut le, s'en rappeler. Attrister l'esprit, c'est pas, bon, je fais un péché, donc je l'attriste. Attrister l'esprit, ça, je vous l'ai dit la dernière fois, ce n'est pas neutraliser l'esprit. Ce n'est pas un équivalent à cela. Là. Attrister l'esprit, ça veut dire qu'il y a, une peine, mais on a de la misère à exprimer, parce que, est-ce que Dieu pleure? Non, on sait que Dieu pleure pas. Là. Dieu n'a pas de larmes, il n'a pas de yeux. Dieu ne pleure pas dans ce sens-là. Mais il dit que quand ces choses-là sont absentes, ça reflète qui on est. Mais au verset 32, il dit, « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Jésus-Christ. » Je crois que Paul donne, moi j'appelle ça le principe de la perfection. Parce que si on ferait le verset 31 parfaitement, on n'aurait pas besoin du verset 32. Vous êtes d'accord avec moi? Si on ferait le 31, on n'aurait pas besoin du 32. Mais vu qu'on ferait, on fait pas le 31, ça, si on enlèverait tout ça, si on serait capable, si on le ferait, ce serait la perfection. Mais il dit, ça ne marchera pas comme ça tout à fait. Il y a une autre partie dans l'imitation de Dieu, c'est le verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Il va en avoir de l'amertume. Il va en avoir de l'animosité. Il va en avoir de la colère. Il va en avoir des clameurs. Il va en avoir de la méchanceté. Il va en avoir. Vous êtes tous assez vieux dans la foi pour savoir qu'il y en a eu, qu'il y en a et qu'il y en aura. Quand on est, par sa grâce, capable d'éviter ça, on reflète la sainteté de Dieu, on reflète la justice de Dieu, on reflète ce que Dieu est. Mais quand ces choses-là arrivent, on doit refléter Dieu dans une autre circonstance. C'est le pardon. Il dit maintenant, vu que la méchanceté est arrivée, maintenant refléter une autre partie de moi qui est la capacité d'être bon et de pardonner. Il dit, soyez bons envers ceux qui ne sont pas corrects dans l'Église. C'est ça qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Soyez bons. Ça veut dire quoi, ça? Ce petit mot-là. Soyez bons les uns envers les autres. Qu'est-ce que ça vous dit quand vous lisez ça? À quoi vous pensez? Ça veut dire que je dois être bon envers toi parce que j'ai besoin que tu sois bonne envers moi. C'est ça que ça veut dire les uns les autres. Ce qui va m'aider à être bon envers toi, c'est que je sais, je comprends que j'ai besoin que tu sois bon envers moi. Si j'oublie ça, je vais avoir de la misère à être bon envers toi. Puis il dit, soyez compatissants avec les frères et sœurs. Pourquoi? Qu'est-ce qui va m'aider à être compatissant? C'est que j'ai donc besoin que tu sois compatissant envers moi. Pas que j'ai besoin que tu sois compatissant. Fait que le fait de savoir ça, ça va m'aider à être compatissant envers toi. Vous pardonnant réciproquement, vous encore les uns les autres, je te pardonne parce que j'ai tellement besoin que tu me pardonnes. Des fois, quand ma femme me fait grincher des dents, ça, vos femmes ne font pas ça, vous autres, là, ben, dis-moi, ma femme en fait ça. Des fois, là, je me dis, Seigneur, combien de fois, François, tu lui as fait grincher les dents, toi? Combien de fois tu lui as fait, toi, ça? Et quand tu penses, t'arrêtes, tu y penses par la grâce de Dieu, ça t'a, ça baisse tout de suite. Ça baisse tout de suite. Combien de fois, François, tu lui as fait mal à ta femme en 37 ans? Moins de fois, ou plus de fois, ou autant de fois? Combien de fois tu lui as fait mal? Ah, ben là, ça me replace, ça. Ça me ramène à ma place. Oh, là, tu as fait mal un matin. Mais combien de fois tu lui as fait mal, toi aussi? Ah, OK. Donc, je peux pardonner. Je peux être compatissant. Écoute. Si toi, mettons, on prend un exemple, on fait des mathématiques. Moi, je suis comptable de métier. Mettons, on fait des mathématiques. Mettons, je te fais mal 8 fois dans la journée. Et toi, tu me fais mal une fois. Et toi, pendant 8 fois, tu me dis que tu me pardonnais. Est-ce que ça va m'aider, moi, à te pardonner si tu me fais mal une fois? Ben oui. Elle dit, 8 fois, tu m'as pardonné aujourd'hui. Ben là, tu me fais du mal, je vais te pardonner aussi. Nous, c'est un peu mathématique dans ce sens-là. Il dit, le mot les uns les autres ici, il dit, soyez bons. Vous savez que le mot bon, ça veut dire quoi? C'est un synonyme de bon dans la Bible? Oui, oui. Charitable, oui. Bienveillant, c'est tout bon ce que vous dites, là. C'est pas le mot que je cherche. C'est le mot grâce. L'équivalent dans le mot. Être bon dans la Bible, c'est de faire du bien à quelqu'un qui ne mérite pas. Jésus dit, si tu fais du bien à celui qui te fait du bien, quel gré t'en sera-t-on? On ne doit rien. Il dit, les méchants font la même chose. Les bandits font la même chose. Mais il dit, si tu fais du bien à quelqu'un qui te fait du mal, alors, tu es appelé fils de ton père. Parce que ton père, il est bon envers toi, il te fait du bien malgré que tu ne mérites pas. Quand il dit, soyez bons les uns envers les autres, c'est-à-dire, sois gracieux envers l'autre. Exerce la miséricorde envers l'autre. Parce que lui, il a besoin d'exercer miséricorde envers toi. Et là, il finit au verset 32. Puis là, il nous donne qui nous devons imiter. Comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pardonnez-vous les uns les autres, soyez bons les uns envers les autres, soyez compatissants les uns envers les autres. Puis la méthode, la façon de le faire, c'est comme Dieu le fait envers toi, en Jésus-Christ. Souvent, l'Esprit de Dieu va nous ramener à l'Esprit. Ouais, François, ouais, il t'a fait mal. Ouais, c'est vrai, il t'a fait mal. C'est vrai, il a fait de quoi qu'aujourd'hui il t'a pas aimé. C'est vrai que c'était mal ce qu'il a fait. Puis là, l'Esprit de Dieu nous rappelle combien de fois tu l'as fait, toi. et que je t'ai pardonné. Puis pas combien de fois tu l'as fait toi contre Richard ou contre Murray. Combien de fois toi tu l'as fait, c'est Dieu qui parle. Combien de fois François tu l'as fait contre moi et je t'ai pardonné. Pourquoi est-ce que tu ne pardonnerais pas à ton frère ou à ta sœur qui l'a fait une fois, deux fois, trois fois contre toi? C'est pour ça que Jésus a dit quoi? 70 fois, 7 fois. Puis dans la même, juste après le 70 fois, 7 fois, il y a l'histoire des 10 000 talents. Il dit, si ton frère t'a fait mal, on va le mettre en quantité, au lieu de le mettre 100 deniers, si ton frère t'a fait mal 100 fois, et que tu viennes te demander pardon, tu lui pardonneras. Mais pour t'aider à le faire, souviens-toi que tu m'as fait, moi, mal 10 000 fois. Ça va t'aider. Ça va t'aider. Le ratio va t'aider. Et c'est combien de fois plus, ça? 100 puis 10 000? C'est 1000 fois plus. Hein? 10, ça ferait 1000, c'est 100 fois plus. C'est vite en mathématiques, et bon. On va dire que ma mère disait, tu vas devenir un comptable dans la vie. C'est 100 fois plus. Et que, moi, quand je m'arrête, je dis, des fois, j'ai quelqu'un qui me fait de web. J'en fais, puis il m'en fait, puis on est dans un monde de pécheurs. Puis des fois, là, je viens tellement en boule, là, j'ai une poignée, je suis poignée dans le fond de l'estomac, mon gars. Puis là, Dieu dit, François. Combien de fois tu me l'as fait à moi? Et je t'ai pardonné. Viens pas me dire que tu n'es pas capable d'y pardonner. Rappelle-toi, je t'ai pardonné 10 000 fois. Pourquoi tu aurais de la misère à y pardonner une fois ou deux fois ou trois fois? Sois mon imitateur. Si je vous donnais une calculatrice, quel chiffre vous marqueriez dessus? Pour le nombre de péchés que vous avez faits jusqu'à aujourd'hui. Es-tu assez de zéro? Sur la machine? Combien de péchés que vous avez faits? Moi, j'ai 60 ans, là. Combien j'en ai fait depuis 60 ans, des péchés? Le péché n'est pas contre toi, Richard. Le péché est contre Dieu. Je prêche contre Dieu. Je ne prêche pas contre les hommes. Je prêche contre Dieu. David le dit, hein, j'ai péché contre toi seul. Et quand on se souvient de cela, frère et sœur, que tout d'un coup, le péché de l'autre est donc moins grave. Et qui est donc moins grave. Et qui est donc moins gros tout d'un coup. Il prend sa vraie mesure. Parce que là, tu vois ton péché qui est 10 000, puis là, tu vois le péché de l'autre au côté, puis hop, il est 100 fois plus petit. Tu dis, ah bon, c'est pas si dur que ça pourtant. Il dit, fais-le comme moi je l'ai fait envers toi, comme nous a pardonné en Christ. Donc il dit, pardonnez-vous les uns les autres. Et je parlais une fois avec un avocat qui s'occupait des divorces. Il dit, François, il dit, il y a juste un mot que j'entends jamais en cours. Quand je vais en cours pour les divorces, il y a juste un mot que j'entends pas. Il dit, c'est quoi? Il dit, c'est le mot pardonner. J'entends jamais ce mot-là. On accuse, on condamne, on blâme, on fait toutes sortes d'affaires, on dit toutes sortes de choses dans la cour, mais on n'entend jamais le mot pardonner. Parce que si on l'emploierait, on ne serait pas là. On ne serait pas là en cour. Fait que ça n'existe pas. Le pardon n'a pas eu lieu. Et là, on blâme, on accuse l'autre, c'est sa faute, c'est ma faute, il a jamais fait ci, il a toujours fait ça, il fait tout le temps ça, il ne fait jamais ça. Alors là, on s'accuse. Et le pardon n'est pas là. Pardonnez-vous comme moi, Dieu, je vous ai pardonné en Jésus. À cause de ce que Jésus a fait, je vous ai pardonné. À cause de ce que Jésus nous a fait, il dit, pardonnez-vous les uns les autres. Je ne sais pas si vous avez déjà pensé comme moi. Pourquoi est-ce que Dieu n'avait pas fait de nous des êtres parfaits quand il nous a sauvés? Et que ça m'a tracassé, puis ça me tracasse encore bien des fois. Pourquoi est-ce que Dieu, quand il m'a sauvé, qu'il m'a purifié en Jésus-Christ, pourquoi il ne m'a pas donné la capacité de vivre comme Jésus tout de suite? Il me semble que j'aurais été un bien meilleur mari. me semble que j'aurais été un bien meilleur père. Il me semble que j'aurais été un bien meilleur témoin. Mais ça, j'aurais reflété Dieu bien plus si il aurait fait de moi quelqu'un de parfait dans mes actions de tous les jours. Et jusqu'à aujourd'hui, ce qui a calmé mes pensées, je pourrais dire, c'est que Dieu dit, « Ouais, ben François, je veux que tu reflètes mon pardon. Je veux que tu reflètes ma capacité d'aimer quelqu'un qui n'est pas parfait. » Je veux que les inconvertis qui vont voir, savez-vous qu'est-ce que j'ai déjà pensé une fois? Quelqu'un m'a déjà dit une fois, Dieu, il les aime ces gens-là parce que sont corrects, sont parfaits, sont bons. C'est pour ça que Dieu les aime, c'est des bonnes personnes. Mais penses-tu qu'il va m'aimer moi? Moi, je suis un pécheur. Moi, je fais du mal. Et comment Dieu peut pas m'aimer, moi? Dans ce temps-là, frère, quand vous entendez ça, frère et sœur, dites-là, oh, ben, je vais te donner un exemple. Là, comment Dieu est capable d'aimer un pécheur? Regarde-moi. Regarde-moi. Dieu peut aimer un pécheur. Dieu peut aimer un pécheur. Dieu peut aimer un pécheur. Et nous imitons Dieu en nous pardonnant mutuellement. Mais quand on dit qu'on pardonne, ça veut dire quoi? Moi, je crois personnellement que le pardon, c'est un acte essentiellement divin. L'être humain, dans sa nature humaine, n'est pas capable de pardonner. Il n'est pas capable. Il n'y arrive pas. C'est pour ça que nous voyons tout ce que nous voyons dans le monde autour de nous. L'être humain n'est pas capable de se pardonner. Puis même, il y a des qui vont dire, l'être humain n'est même pas capable de se pardonner à lui-même. Ça, j'ai plus de misère avec ça, là. Mais de pardonner à ceux qui nous font du mal, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas. On n'est pas capable. Il faut avoir, pour être capable de pardonner, il faut d'abord avoir goûté le pardon. Sans ça, on n'est pas capable. C'est pour ça que les gens vont dire, « Oh, ouais, je te pardonne. » 6 mois après, ça est revenu sur le tapis, puis là, ils s'en servent encore contre toi. Puis, ou bien, « Oh, je te pardonne. » Puis là, ils disent à tout le monde ce que tu as fait. C'est-tu du pardon, ça? Ben non. Quand Dieu pardonne, lui, c'est une autre histoire. Il se souvient plus, il n'en parle plus à personne. Il n'y a pas de rebound, comme on dit en anglais, il n'y a pas d'effet dans notre vie. Dieu m'a pardonné, mais puis les péchés ne produisent plus ça. Dieu a neutralisé les effets du péché. Le péché ne me donne plus la mort. Et lui a pardonné. Mais quand il dit que nous, on doit pardonner comme Dieu nous a pardonné, j'aimerais vous donner une pensée. Peut-être que vous disiez, François, il me semble que ce n'est pas ça que je crois, c'est pas ça que je vois. Des fois, on a de la misère à se pardonner mutuellement parce qu'on a cette compréhension-là qu'on doit pardonner à quelqu'un qui ne nous a jamais demandé pardon. Oh, pardonne-y. Ben, il ne me demande pas pardon. Oh, pardonne-y quand même. Des fois, les gens, tu vas aller demander pardon. Oh, je t'ai déjà pardonné ça. Comment tu as pu me le pardonner si je t'avais jamais demandé pardon? C'est la question que je vous pose ce matin. Peut-on pardonner à quelqu'un qui ne nous a jamais demandé pardon? Moi, je dis non. Et c'est pour ça que c'est si dur de pardonner, des fois qu'on trouve. Mais si quelqu'un vient vous voir, et qu'il vous demande pardon, et vous voyez dans son attitude, dans ses paroles, dans ses gestes, vous voyez que la personne est vraiment sincère parce qu'elle vous demande pardon parce qu'elle vous a fait mal. Puis que vous voyez qu'elle est vraiment triste de ce qu'elle a fait. Est-ce que vous allez être capable de dire « Je te pardonne pas » ou alors si vous allez lui dire « Je te pardonne ». Mais quand vous essayez de pardonner à quelqu'un qui vous a jamais demandé pardon pour le mal qu'il vous a fait, vous allez voir, vous allez avoir de la misère. Ça va revenir tout le temps. Ça va vous hanter, quasiment. Mais quand Dieu, est-ce que Dieu m'a pardonné, moi, avant que je lui demande pardon, avant que je me repente et que je confesse, et que je lui demande, Seigneur, pardonne-moi. Dieu ne pardonne pas à des gens qui ne se repentent pas. Dieu ne pardonne pas à des gens qui n'invoquent pas son nom pour avoir le pardon de leur péché. Dieu fait comme moi. Moi, j'ai déjà écrit des lettres à des gens. Je leur dis, je t'offre mon pardon. Parce que j'avais parlé avec la personne, je lui avais dit, tu m'as fait mal. Mais j'ai dit, je t'offre mon pardon. Mais je ne peux pas te le donner sans que tu me le demandes. Parce que c'est comme ça que Dieu agit. Dieu pardonne à un être humain quand l'être humain se repent et qu'il confesse et qu'il demande pardon. Donc, il dit, c'est Dieu de confesser, c'est Dieu de pardonner. Mais en se rappelant comment on était pardonné, après avoir confessé, ça va nous aider dans nos relations les uns avec les autres à se pardonner, à confesser. Une des raisons qu'on a tant de misère à demander pardon, c'est qu'on a de la misère à d'être convaincu que l'autre va nous pardonner quand on va lui demander. On a de la misère. Ou des fois, on va avoir de la misère à pardonner à quelqu'un parce que la personne va demander pardon. Une fois, il y avait quelqu'un qui était venu voir et dit, François, si je t'ai fait du mal, pardonne-moi. Il y avait un mot de trop, là. Il y avait un petit mot de trop de deux lettres. C'était le mot « si ». Il a dit, mais as-tu fait du mal ou tu ne m'en as pas fait? Ben, selon moi, non. Ben, il dit, mets-moi pas pardon. Mets-moi pas pardon, ça n'a rien. Tu n'as pas fait. Mais lui, il voulait régler la situation. Il voulait que l'harmonie règne, mais en voyant cochonner en dessous du tapis. Mais c'est comme ça que j'ai évalué ça. Mais il dit, si vous n'êtes pas convaincu que vous m'avez fait mal, vous n'avez pas le droit de me demander pardon. Vous n'avez pas le droit. Vous devez me demander pardon si vous croyez que vous m'avez fait du mal. Mais ça ne nous a pas empêché de continuer notre relation ensemble, à travailler ensemble. Parce que pendant que les gens ne nous demandent pas pardon, nous on a des choses à faire. On n'est pas dans ce texte-là ce matin, mais on a des choses à faire pendant que l'autre... Qu'est-ce qu'on doit faire envers quelqu'un qui a péché contre nous et qui ne nous demande pas pardon? Il y a toutes sortes de choses que la Bible nous enseigne à faire. Aussi dans ce sens-là. Pour l'aider à nous demander pardon. Au verset 1, il dit, « Devenez donc des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. » Donc, il dit maintenant, il nous a demandé d'être des imitateurs de Dieu, maintenant il nous demande d'imiter Jésus-Christ, marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, comme Christ. Soyez mes imitateurs, Dieu dit, imitez Dieu, maintenant il dit, imitez Christ. Dans vos relations les uns avec les autres, imitez Christ. Il dit, marchez dans l'amour à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu, pour nous, comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Pourquoi est-ce que Christ est venu s'offrir un sacrifice pour moi? Et tu es des imitateurs là, de Jésus-Christ. Regardez comment que lui a agi. Puis il agissait de même. Marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, hein, qui s'est livré à Dieu. Christ est venu sur la croix, premièrement, par amour pour Dieu, pas pour vous. Quand Christ a marché dans l'amour, c'était l'amour pour son Père en premier, qui le motivait. C'est pour ça qu'il dit ça, je crois. Quand je dois aller vers quelqu'un pour confesser ou pardonner, je dois le faire par amour pour Dieu, premièrement. Et non pas pour la personne. Ça va venir après. Parce que si je ne le fais pas par amour pour Dieu, je n'imite pas le Jésus-Christ en faisant ça. Jésus-Christ dit par amour, à l'exemple de Christ, à l'exemple de marcher dans l'amour, à l'exemple de Christ qui nous a aimés en se livrant lui-même à qui? À Dieu. Jésus-Christ allait s'offrir à Dieu, il s'est offert en sacrifice de bonne odeur à Dieu parce qu'il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Il l'a fait pour Dieu. Mais en se livrant à Dieu comme un sacrifice, c'est un exemple d'amour aussi pour nous. Mais c'est pour Dieu qu'il l'a fait. C'est pour Dieu qu'il l'a fait. Il dit, quand vous allez avoir besoin de vous pardonner, faites-le à l'exemple de Christ. Faites-le en vous approchant. À cause que j'aime Dieu, à cause que Dieu m'aime, je vais aller voir les gens et je vais aller demander ou faire de quoi envers la personne. Je vais marcher dans l'amour à l'exemple de Jésus-Christ. Je fais ça pour Dieu, pour la gloire de Dieu, pour refléter le pardon de Dieu, pour refléter l'amour de Dieu, pour refléter l'amour de Jésus-Christ. Je vais aller voir la personne, je vais confesser ou je vais demander pardon, ou je vais offrir mon pardon à la personne. Mais à l'exemple de Jésus-Christ. Si l'amour, si c'est pas par amour pour Dieu, que je vais aller vous demander pardon pour le mal que je peux vous faire, j'y irai pas. Ou si j'y vais, ça va être avec des mauvaises raisons, des mauvais motifs. Combien de fois, des fois, on veut régler un dilemme entre deux, et le but premier, c'est juste d'avoir la paix avec l'autre personne. Je me souviens une fois, j'avais un travail de psychologue, un travailleur social qui était psychologue, j'avais des conflits avec un de mes garçons, bon, je travaillais avec la femme, puis mon garçon. Puis la madame a dit, pourquoi, M. Nolet, vous voulez régler ça? Là? Pourquoi vous voulez régler ça? Il dit, je vais avoir la paix. Je vais avoir la paix. C'est-tu la bonne raison? Ma réponse aurait dû être, je veux refléter mon Dieu. Je veux glorifier mon Dieu. C'est pour ça que je voudrais avoir. Je voudrais lui pardonner. Ou bien autre qui me demande pardon. Je voudrais juste que mon Dieu soit vu par toi, toi la psychologue là. J'aimerais que tu vois mon Dieu dans le geste que je suis en train de faire. Si c'est pas ça qui me motive, le restant c'est de la foutaise, c'est du bordel, c'est de l'humain, c'est de l'humain. Ce qui me différencie de l'autre salle au côté, qui lui-ci était avec sa fille ou son garçon, puis il parlait avec un autre travailleur social, puis un autre psychologue. La différence entre lui et moi, c'est que moi, je devrais le faire pour que les gens voient Dieu. Pas pour avoir une famille exemplaire, pas pour avoir la paix, pas pour que la chicane arrête, pas pour que ça soit plus facile dans la vie, pas pour que ça soit plus agréable, parce que je veux que mon Dieu soit vu, soit exalté, soit glorieux. C'est ça qui devrait me motiver, c'est ça qui fait la différence entre mon ancienne vie et celle d'aujourd'hui. L'autre, lui, il ne fait pas pour ça. Moi, je devrais le faire pour ça. Par amour pour Dieu. Je veux marcher dans l'amour à l'exemple de Christ, qui s'est livré à Dieu, pour Dieu, en sacrifice pour nous. Je viens de déjà parler, mais il me semble, plus j'avance dans ma vie chrétienne, la chose qui me frappe le plus, c'est pas l'amour de Dieu pour moi. Ce qui me frappe le plus, c'est l'amour que Dieu a pour lui-même. Pour son fils, ou bien non, le fils pour le père. C'est ce qui me frappe le plus depuis 5 à 10 ans. Je suis émerveillé de voir à quel point Dieu aime Jésus. Et à quel point Jésus aime le père. Quand il est parti du ciel et qu'il est descendu sur la terre pour sauver les êtres humains, ça y prenait un amour à l'infini pour son Père pour faire ce geste-là. Pas pour nous, premièrement. Ah, mes frères et sœurs, peut-être ça vous surprend, mais il n'est pas parti du ciel pour vous. Il est parti du ciel parce qu'il était en amour avec son Père d'une façon infinie. Et son Père avait été diffamé, son Père avait été sali, son Père avait été rejeté, son Père avait été diffamé par le péché de la race humaine. Et Jésus veut régler ça. Jésus veut rétablir la gloire de son Père, veut que son Père soit exalté. C'est pour ça qu'il va dire dans les évangiles, « Je suis venu ici, sur la terre, pour la gloire de mon Père. » Ne centrez pas l'évangile sur vous. L'évangile doit être centré sur Dieu. Il est venu pour Dieu. Il s'est livré à Dieu, pour la gloire de Dieu. Nous, on est le moyen ou l'instrument ou ce que Jésus utilise pour que Dieu soit glorifié. Il m'a sauvé pour que Dieu soit glorifié. Pas que pour moi, je me sente bien, j'allais au ciel quand moi je mourrai. Oui, ça fait ça. Oui, ça fait ça. Mais c'est pas pour ça qu'il l'a fait. Il l'a fait pour la gloire de Dieu. J'aimerais vous dire que je vis ma vie de tous les jours juste pour la gloire de Dieu, mais je suis pas capable de vous dire. J'aimerais bien ça vous le dire. Là. Je me lève le matin, tout ce que je fais, c'est juste pour la gloire de Dieu, c'est juste pour la... Ben non. Si ça serait ça, je ne serais pas obligé de demander pardon à ma femme le soir quand je me couche. Je ne serais pas obligé de demander pardon aux autres. Je ne serais pas obligé de me cacher parce que j'ai honte. Puis je ne serais pas obligé de faire des mensonges pour cacher aux autres ce que j'ai fait. Je ne serais pas obligé de faire ça, mais je ne suis pas capable de vous dire. J'aimerais bien. C'est le désir de mon cœur. Mais il y a un combat dans ma vie, comme vous vivez, vous autres aussi probablement. Ça veut un combat dans votre vie. Mais quand vous plantez, quand vous tombez, quand vous manquez la cible, au lieu de s'apitoyer sur ça, utilisons cela pour la gloire de Dieu. Vous savez, quand vous avez tombé en pleine face dans la marde, dans le péché, là, bien comme il faut, là, et que vous relevez la face du trou de boîte, puis vous dites, Seigneur, je t'aime parce que tu m'as pardonné. Dieu est glorifié dans le ciel. Les anges chantent. Les anges chantent dans le ciel. Je vous dis pas, laissez-vous tomber dans la boîte pour le faire. C'est pour ça que je suis en train de dire. Mais quand on tombe, nous utilisons même ça pour le glorifier. Oh, je vous dirais, dans la prière et dans toute votre capacité de ne pas tomber dans le trou de boîte. Mais je crois que vous êtes comme moi, vous tombez dans le trou de boîte. Mais au lieu de vous apitoyer ou de vous démoraliser, moi, des fois, je me dis, j'ai dit à quelqu'un cette semaine, je ris dans la face du diable en disant, Dieu, tu pensais de m'avoir fait tomber? T'as réussi, mais je vais glorifier mon Dieu à travers ça pareil, parce qu'il m'a pardonné à cause de Jésus. Par amour pour son Père, il m'a pardonné. Jésus vous a pardonné, premièrement, pas parce qu'il vous aimait, c'est parce qu'il aimait son Père. Il vous aime, il n'y a pas de problème avec ça, il vous aime puis il nous aime. Mais il vous aime parce qu'il aime son Père. J'aime ça de dire ça comme ça, puis je vous encourage à toujours terminer l'histoire. Merci Seigneur de m'aimer parce que tu aimes ton Père. Merci de m'avoir sauvé parce que tu voulais glorifier ton Père. Parce que si vous arrêtez à vous donner le nombril du monde. Jésus est venu sur la croix, il est mort pour moi. Si vous arrêtez la phrase-là, vous êtes devenu le nombril du monde. Jésus a fait ça pour moi. Mais si vous dites, Jésus est venu sur la croix, il est mort pour moi afin que son Père soit glorifié. Là, c'est Dieu qui devient le point de mire. C'est Dieu qui devient le point central. De votre vie chrétienne. Donc, terminons les phrases. Dieu est mort pour moi, oui, afin que je puisse le servir, parce qu'il est Dieu. Jésus-Christ m'a pardonné, oui, parce que son Père soit glorifié. Moi, je vais te pardonner parce que je veux que mon Dieu soit glorifié. Tu vas me confesser le péché, tu vois, parce que tu veux que Dieu soit glorifié. Parce que c'est là le but de la vie chrétienne. Le but de la vie chrétienne, c'est pas d'aller au ciel. Le but de la vie chrétienne, c'est de glorifier Dieu sur la terre et dans le ciel. C'est ça le but de la vie chrétienne, c'est de glorifier Dieu. Or, je pense qu'on a trop été loin dans le fait qu'on prêche un évangile pour le salut des hommes. Puis que oui, les hommes sont sauvés à travers l'évangile. Mais on devrait dire pour le salut des hommes afin que Dieu soit glorifié. Donc, pardonnons-nous les uns les autres afin d'être des imitateurs de Dieu. Imitez Dieu. Plus votre relation, plus ma relation va se développer avec Dieu, plus je vais comprendre comment il m'a pardonné. Plus je vais comprendre comment il m'a aimé. C'est ça qui va m'aider à vous aimer et à vous pardonner. C'est ça que il n'y a pas d'autre solution. Quand tu as de la misère, quand j'ai de la misère, la seule solution que nous avons, c'est de regarder à la croix. C'est de regarder à Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Regardez comment Dieu t'a aimé et t'a pardonné. Et ce que l'apôtre Paul dit ici, si vous faites cela, si vous regardez Dieu pour devenir son imitateur, ça va vous aider à vivre en harmonie les uns les autres. Parce que moi, je vous ai sauvés, puis je vous ai unis les uns les autres, puis je voudrais que vous reflétiez ça. Je voudrais que vous reflétiez ça. Nous allons prier ensemble. Notre Père du ciel, ça nous fait du bien, ça nous fait du bien de s'arrêter et de regarder à la croix. De regarder aux raisons de la croix. Ça nous fait du bien de penser que quelque chose de bien plus grand que nous. La raison de toute chose, y compris le salut, c'est la gloire de Dieu. Et la raison de notre vie chrétienne, ici à Val-d'Or ou à Victoriaville ou ailleurs, c'est la gloire de Dieu. La raison de garder l'harmonie entre nous, c'est la gloire de Dieu. Nous te demandons, Seigneur Dieu, que par ton Esprit Saint, tu puisses nous ramener dans nos moments de vie, qu'on lutte avec des difficultés. Que ton Esprit Saint nous ramène à la croix, nous ramène aux gestes de Jésus à ton égard, à notre égard aussi. Nous pouvons te dire ce matin, nous t'aimons parce que tu nous as aimés en Jésus. Et c'est en son nom que nous te prions. Amen. Est-ce qu'on peut